bas du Django. Embrouille pour embrouille, j'balance mon bâtard d'argot fouillé au corps, mes dames oiseaux, ça tire des verres dans les journaux. J'veux pas de bande de pirates, de bandits démo. Les citations sont proscrites, les clichés sont en fuite. On ira cramer tous les beats à base de rhythm en guide. Passe vite, pas de fuite, passe le séquence en vite. C'est qui comme MC Gazouille qui débite. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Tire pas dans mes pattes, touche ma voile aussitôt. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Je m'amène à tirer l'aile entre ciel et eau. Je suis un noir, Soki Gazouille. Tire pas dans mes pattes, tire pas dans mes hauts. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Je m'amène à tirer d'elle entre ciel et eau. Et ça caille, la flicaille, le commissariat des rails. J'tise ma maille dans le sky sans attendre qu'on passe le mic. Les oiseaux en rap comme des sirènes de police et chanteurs idéaux sans jamais donner suite. M'enfile des avis majoritaires, j'irai voler plus haut. Préfère rester solitaire que d'atterrir dans un métro. Un boulot, un dodo et au revoir Django. J'suis bras dessus, elle dessous avec la poésie frérot. Je suis un noir, Soki Gazouille. Tire pas dans mes pattes, je me vole aussitôt. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Je m'amène à tirer d'elle entre ciel et eau. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Je suis un noir, Soki Gazouille trop. Je m'amène à tirer d'elle entre ciel et eau. Alors crème, gadjo, crème, crème, crème, gratte les graines, grand, grand, des griefs gris sur la scène. Les branches de sang, familière et saine. Car la rue est plus stone et voici dans nos veines. Alors crème, gadjo, crème, crème, crème. Quand il fait pas beau, je souris, mais je te garde une place au chaud. Bienvenue dans le nid du rappeur qui se prend pour un gadjo. Gadgetisé dans l'électro, le MacBook chauffe sous la pompe du manouche et grappello. Je suis un oiseau, je suis un oiseau. Je suis un putain d'oiseau, mais qui gazouille trop. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Et tire pas dans mes pattes, et tire pas dans mes hauts. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Je m'amène à tirer belle entre ciel et eau. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Pas dans mes pattes, je m'envole.